Chapitre 7e. Au moment où Vibert entra, Soleil Couchant était accroupie sur un lit de sangle et jouait comme une enfant avec ses cheveux qu'elle avait entièrement dénoués et ramenés sur sa poitrine. Un rayon de soleil, qui s'était glissé à travers les murs de la conciergerie et les barreaux de la fenêtre, éclairait cette luxuriante chevelure et lui donnait un éclat éblouissant. Tout autre que l'agent de police eût admiré ce tableau. Mais Vibert réservait ses admirations pour d'autres sujets. Il referma la porte derrière lui, tandis que Stéphanie, cornue, brusquement surprise, rejetait ses cheveux en arrière et essayait de les rattacher. « Ainsi, ma fille, » dit Vibert d'un ton paternel et sans autre préambule, « te voilà pincée de nouveau. »« Mon Dieu, oui !» répliqua Soleil Couchant, qui, familiarisé depuis son séjour à Saint-Lazare avec les habitudes des prisons, ne s'étonnait ni de la brusque entrée de Vibert, ni de ses façons cavalières. « Tu finiras par te faire envoyer dans une maison centrale, » reprit l'agent de police. « Combien envoie ? » fit-elle. « J'aime autant ça. »« Comment ? » s'écria Vibert. « Tu viens de passer une année à Saint-Lazare et la prison ne t'effraie pas ?»« La prison, pour moi, c'est le paradis. La liberté, c'est l'enfer. » répliqua Soleil Couchant d'un ton un peu emphatique. « Que dis-tu là ? Tu n'es pas heureuse à la ville ? Heureuse, moi ? Ton ménage ne va pas bien ? Mon ménage ? Oh ! » Rien ne peut rendre l'expression avec laquelle elle dit ces mots. Aucune phrase, aucun long discours n'aurait été plus clair et n'aurait mieux expliqué à Vibert la situation. Il venait de deviner en une seconde par quelles terribles épreuves avait dû passer cette femme, les souffrances qu'elle avait éprouvées, les fureurs qui l'avaient agitée et l'implacable haine qui couvait en elle. « Alors, » reprit-il, au bout d'un instant de silence, « il ne suffit pas d'être un colosse pour rendre une femme heureuse ?» Elle se dressa devant l'agent de police et lui dit « Vous le connaissez donc ?»« Pas autant que toi, heureusement pour moi, » répliqua-t-il, « mais je le connais. »« Eh bien, » s'écria-t-elle, « je le hais. »« On le voit bien, » fit remarquer Vibert. Elle lui saisit les mains, le pressa contre elle pour qu'il ne perdît pas un mot de ce qu'elle allait dire, et les traits contractés par la colère, ses longs cheveux flamboyant autour de sa tête et sur ses épaules nues, elle continua. « Oui, je le hais, et je veux le dire, et je veux le crier, et je veux qu'on m'entende. Enfin, je puis donc parler à un autre homme qu'à lui. J'ai brisé mes chaînes. Mon tyran ne m'espionne plus. Je ne tremble plus devant lui. Ah, le misérable m'a-t-il fait assez souffrir? M'a-t-il assez traité comme son esclave, comme sa chose, comme son chien? Il y a 5 années que cela dure, oui, 5 années pendant lesquelles il m'a fallu vivre plus de 3 ans, côte à côte avec lui. Quel supplice! Oh, les colosses, j'en suis bien revenu. Je n'étais heureuse qu'à Saint-Lazare. Je respirais au moins, j'étais libre. Quelle tyrannie! Moi qui étais si joyeuse et si gaie autrefois, qui n'obéissais qu'à mes caprices. Ah, mes caprices, parlons-en. Le dernier que j'ai eu m'a bien réussi. Quoi? Parce qu'on prend un homme pour un jour, faut-il donc qu'il s'impose toute la vie, qu'il vous rive une chaîne aux pieds et vous marque son chiffre sur l'épaule? Je t'aime, me disait-il, je t'aime et je ne veux pas te quitter. Et que m'importe que tu m'aimes si je ne t'aime plus, moi? Un homme qu'on n'aime plus, mais ce n'est rien, c'est moins que rien. On lui dit « va-t'en » et il doit s'en aller. Est-ce que ma jeunesse et ma beauté ne m'appartiennent pas? Je consens les prêter, je ne les donne pas. Je ne passe pas de bail, je ne suis pas une concession à perpétuité. Que j'étais lâche, mon Dieu, que j'étais lâche, moi, si vaillante et si brave autrefois, moi, à qui tous s'empressaient de céder. Ah, les hommes, comme je les menais. Ils avaient beau pleurer, crier, murmurer, je disais « Vous m'ennuyez !» Et ils partaient pour revenir se jeter le lendemain à mes pieds. Lui, il m'a tout de suite plié, brisé, anéanti. Sa voix rauque et dure me faisait trembler. Ses moindres gestes me donnaient le frisson. Il commandait et j'obéissais. Je me serais traîné à ses pieds s'il l'avait exigé. Et il l'a exigé, le lâche. Il était heureux d'abuser de sa force. Pourquoi m'a-t-on surnommé Soleil Couchant? C'était chien couchant qu'il fallait dire. Oui, j'étais un chien, rien qu'un chien, de la pire espèce. Il me frappait, et après m'avoir frappé, il me disait « pardonne-moi ». Et j'avais l'air de pardonner pour n'être pas battu de nouveau. Et il me disait « n'est-ce pas que je suis beau ?» Et je répondais « oh oui, tu es bien beau ». « Tu m'aimes, n'est-ce pas ? » ajoutait-il, et je murmurais « je t'adore ». C'est que je le connais, il ne veut pas être contrarié, le monstre. Dans un accès de colère, il est capable de tout. Il m'aurait tué sans hésitation et je tiens à la vie. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais la mort m'effraie. Je veux vivre. Il y a 5 ans que je ne vis pas. J'aspire à la liberté, au soleil, au grand air. » Elle s'arrêta pour respirer et reprit. « Monsieur, je ne vous connais pas. Mais vous êtes de la police. C'est facile à voir, à la façon dont vous êtes entré dans ma cellule et dont vous m'avez parlé. Langlade, par conséquent, est votre ennemi. Vous ne pouvez vouloir du bien à ce forçat en rupture de ban. Vous ne me trahirez pas. Eh bien, si avant-hier j'ai commis un délit, c'était pour être arrêté et à l'abri des poursuites, délivré de sa présence. À peine entré ici, on m'a reconnu, on m'a interrogé sur le compte de Langlade. J'ai répondu avec sincérité et on a cru que je voulais acheter les bonnes grâces de la police. Vos bonnes grâces, qu'en ferais-je? Vous êtes mes amis, messieurs. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de me garder le plus longtemps possible au milieu de vous. Est-ce que la prison m'effraie? Rien ne m'effraie, rien. Je suis brave, moi. Lui seul me fait trembler, lui seul. Loin de lui, toute mon énergie me revient. Eh bien, ma fille, dit Vibert, tu peux te rassurer. Grâce à tes excellentes indications, Langlade vient d'être arrêté. Vrai? S'écria-t-elle en se reculant. Vrai? Tout ce qu'il y a de plus vrai. Ah, je ne l'espérais pas. Sa figure rayonnait. Elle semblait respirer plus à l'aise. Il ne s'est pas défendu? Reprit-elle, car il n'osait croire à son bonheur. Très peu, répondit l'agent de police. Qui donc a osé l'arrêter? Demanda-t-elle encore. Moi. Elle regarda Vibert, sourit dédaigneusement et dit. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Répondit-il avec une nuance de dépit. Parce que j'ai 10 pouces de moins que lui. La taille n'est rien. Continua-t-il en s'animant. L'intelligence est tout. Tu es trop matériel pour comprendre cela. La force physique t'éblouit. Tu ne comptes pas assez avec l'esprit. Regarde cependant, il m'a suffi 1 heure pour faire de ton Langlade un véritable mouton. Toi, en 5 années, tu n'as pas su le prendre. Alors c'est toi qui l'as arrêté? Demanda-t-elle encore en poursuivant son idée. Moi-même et moi seul. Tout à coup, elle s'élança vers l'agent de police et l'embrassa vivement sur les 2 joues. Tu es très aimable, et surtout très expansive, ma chère, dit Vibert, complètement insensible à cette caresse inattendue. Je ne m'explique pas seulement la joie que tu pourrais éprouver. Langlade est arrêté, il est en prison, on va le réexpédier au bagne, rien de mieux. Mais il s'en est échappé 2 fois, il s'en échappera de nouveau, et ton petit martyr recommencera de plus belle. Le visage de soleil couchant se rembrunit. Tu ne seras jamais tranquille, continua Vibert. Tu ne dormiras jamais sur tes 2 oreilles, tant que tu le sauras au bagne. Il en sort comme d'une maison de campagne. Il te faudrait mieux que cela. Quoi donc? Demanda-t-elle sans comprendre encore où voulait en venir l'agent de police. Il y a dans le code, insinua Vibert, d'autres peines que les travaux forcés. Lesquelles? Mais par exemple la peine de mort. Elle pâlit et dit. On ne peut pas le condamner à mort. Il n'a rien fait pour cela. En es-tu bien sûr? Demanda Vibert en s'approchant d'elle et en la regardant dans les yeux. Elle devint encore plus pâle et l'agent de police l'entendit murmurer ces mots. « Je ne parlerai pas, non. Cette fois, je ne parlerai pas. Je ne veux pas qu'on le tue. »« C'est étonnant, » fit observer Vibert, « comme Langlade et toi vous différez d'opinion. Tu dis, je veux bien qu'il soit emprisonné, mais je ne veux pas qu'il meure. Lui me disait, il n'y a qu'un instant, je ne veux pas qu'elle soit emprisonnée, je veux qu'elle meure. Ah, il a dit cela. Je t'en donne ma parole. Il veut me voir mourir. Non seulement te voir mourir, mais te tuer lui-même. Comment pourrait-il me tuer? Il est en prison. Rien ne lui serait plus facile. Je t'avouerai même que tu cours en ce moment les plus grands dangers. Je vous ai dit que j'avais peur de la mort et vous voulez m'effrayer. Crois ce que tu voudras, mais je te jure qu'en ce moment, Langlade complote ta mort. Pourquoi me tuerait-il? Que lui ai-je fait? Tu l'as livré, par Dieu. Il ne le sait pas. Pardon, je le lui ai dit. Quoi? Vous avez... C'était mon seul moyen de l'adoucir. C'est une infamie! S'écria-t-elle. Le commissaire auquel je fais connaître la retraite de Langlade m'avait promis de ne jamais parler de moi. Le commissaire a tenu sa promesse. Moi, je n'en ai fait aucune et j'ai dit ce qui m'a convenu. Mais je suis perdu s'il s'échappe. Empêchons-le de s'échapper et envoie-le en cour d'assises. Le jury l'enverra à l'échafaud. Il peut être acquitté. Impossible, c'est le moindre petit meurtre sur la conscience. On ne plaisante pas avec un galérien 2 fois évadé, 3 fois récidiviste et jouissant d'une aussi terrible réputation que Langlade. C'est vrai, il sera condamné. Alors parle si tu veux vivre. Certainement, je veux vivre. Mais comment préserverez-vous ma vie? Il est arrêté, il est en prison, et cependant vous dites vous-même que je cours le risque d'être tué par lui. Tu veux des gages? C'est bien le moins. Écoute, après avoir appris ta trahison, Langlade hésitait encore à me suivre, cela se comprend. Alors, pour le décider, je lui donnai ma parole de le mettre aujourd'hui même, ce matin, en face de toi. En face de moi, s'écria-t-elle effrayée. Cependant, il vous avait dit qu'il me tuerait. Certainement. Que voulais-tu que cela me fît à moi? Je ne te connaissais même pas. Elle réfléchit un instant et dit. Tiendrez-vous la parole que vous lui avez donnée si je vous apprends ce que vous désirez savoir? Il ne m'est pas possible d'y manquer. Mais il est des accommodements avec sa parole. Au lieu de faire conduire Langlade ici dans ta cellule, comme j'en avais l'intention, je le ferai tout simplement descendre au parloir de la conciergerie. Tu y descendras de ton côté, il te dira ce qu'il voudra, il t'insultera à son aise, mais il ne pourra pas toucher un seul de tes cheveux. Il y aura une grille de fer entre lui et moi. Mais, dit Soleil Couchant, qui pensait à tout lorsqu'il s'agissait de sa vie, s'il avait sur lui une arme à feu. Oh, quant à cela, sois tranquille, on n'entre pas à la conciergerie sans être fouillé de fond en comble. Pour plus de prudence, et vu l'intérêt que tu m'inspires, je le ferai fouiller de nouveau. Du reste, tu peux juger par toi-même qu'il est déjà désarmé. Jette les yeux sur ce pistolet. Stéphanie regarda l'arme que lui présentait Bibert et dit « Oui, je le reconnais. » Hein, m'a-t-il assez souvent effrayé avec cette arme? Il ne cessait de m'en menacer. La semaine dernière encore, sous le prétexte que j'avais été coquette, par la croisée avec un voisin, ne voulait-il pas me brûler la cervelle? Aussi, tandis qu'il dormait, j'ai pris le pistolet, j'ai dévissé les cheminées et enlevé la poudre. Vous pouvez vous en assurer. Tirez, le coup ne partira pas. En effet, Bibert abattit les deux chiens, les capsules s'enflammèrent, mais aucune détonation ne retentit. Dire, s'écria-t-il en riant, que Langlade et moi, nous venons de nous menacer pendant une heure avec ce pistolet et que nous étions tous les deux de bonne foi. Ce que c'est que l'imagination. Il allait reprendre la conversation où il l'avait laissée, lorsque Soleil Couchant, qui était debout à ses côtés, lui passa vivement un bras autour du cou, pencha son visage sur le sien et lui dit de sa voix la plus féline « Alors, vous avez de l'esprit, vous ?»« Je l'ai toujours cru, » dit Vibert, en essayant de se dégager. Elle retint et ajouta « Langlade est grand, gros et bête. Vous êtes petit, maigre, intelligent. Vous me plaisez. » « Comme cela, tout à coup, à première vue » demanda-t-il. « Dame, » fit-elle, « il y a si longtemps que je n'ai pu avoir de caprices. » « Je comprends, » dit froidement Bibert, « que ton amant se soit un peu méfié de ton caractère. Il n'offre pas une grande sécurité. Mais, » ajouta-t-il, en se dégageant de l'étreinte de Soleil Couchant, « il ne s'agit pas de roucouler. L'heure et le lieu sont mal choisis. Nous avons à causer de choses sérieuses. Assieds-toi et ne me cache rien, ou bien, je te le jure, malgré tes charmantes câlineries, tu es perdu. Il dépend de toi seul, de voir Langlade dans une demi-heure au parloir, derrière une grille, ou d'être enfermé avec lui en tête-à-tête dans cette cellule. » Cette dernière perspective fit frissonner Soleil Couchant et lui rendit toute sa gravité. Elle s'assit sur son lit de sangle, mit un peu d'ordre dans sa chevelure de plus en plus désordonnée, et elle attendit que Vibert l'interrogeât.